Jacques Niclou, Parfum d'érotisme. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Nous sommes au début des grandes vacances. Corinne, une jeune enseignante, raconte. Allongée sur le divan, le regard fixe, je réfléchissais. Agrégée de l'enseignement secondaire, à 26 ans, j'en étais à mon troisième établissement et toujours dans l'attente d'une nomination à titre définitif. J'essayais, tant bien que mal, d'inculquer l'amour de la littérature française à des élèves aux pouces fatigués à force d'envoyer des textos et qui n'avaient rien à cirer des Baudelaire, Lamartine et tutti quanti. Je commençais à en avoir assez des changements d'école, des réformes successives, des réunions tardives, des heures passées gratuitement, des cancans de la salle des profs, et j'en passe. J'étais au bord de la dépression. Une voix intérieure me soufflait. « Ma pauvre Corinne, si tu t'es embarquée dans cette galère, tu ne dois t'en prendre qu'à toi seule. Tu aurais pu devenir avocate, pharmacienne. Et pourquoi pas vétérinaire, toi qui adores les animaux ?» J'ai donc décidé de tourner la page de l'enseignement et je me suis mise à chercher un nouvel emploi. En lisant « Au bonheur des fautes » de Muriel Gilbert, correctrice au Journal du Monde, j'ai eu comme une sorte de révélation. « Mais oui, bien sûr, voilà un travail parfaitement dans mes cordes qui me plairait. Correctrice. Que ce soit pour un journal, un magazine ou une maison d'édition, peu importe. » Pendant les vacances d'été, j'ai épluché les petites annonces des journaux et les offres d'emploi publiées sur le net. Rien ne correspondait à ma recherche. Je commençais sérieusement à me décourager quand, miracle, fin août, j'ai relevé sur le site du Forum une annonce intéressante. Formation de correcteur et correctrice de textes en langue française. Profil souhaité, être en possession d'un diplôme d'enseignement supérieur et disposer d'une orthographe irréprochable. Durée de la formation, 6 mois. Oui, j'avais une orthographe impeccable. Je me suis donc inscrite. 8 jours plus tard, je recevais un courrier m'annonçant que ma candidature était acceptée. Durant la formation, les cours théoriques et pratiques ne m'ont posé aucun problème, au point que j'ai obtenu mon certificat de correctrice avec grande distinction. Cette étape franchie, j'étais fière de moi. Restait à trouver un employeur. Fin février, j'ai donc envoyé une dizaine de curriculum vitae, avec pour résultat 3 réponses négatives. Les autres destinataires n'ont même pas eu la politesse de me répondre. Je commençais à me décourager quand, à la mi-mars, un groupe de presse me proposait de rencontrer leur psychologue pour un entretien. Je croyais rêver. Pour une fois, la chance semblait de mon côté. Le jour de l'interview, un déluge de questions s'est abattu sur moi. Mon parcours professionnel, mes motivations, mes hobbies, un véritable scanner. J'ai répondu sincèrement et du mieux que j'ai pu. Enfin, pour clôturer, un test d'orthographe sous forme d'un questionnaire à choix multiple de 200 mots, sans dictionnaire évidemment. À la sortie, j'étais lessivée. Je me suis même dit que c'était fichu. Au contraire, j'avais sans doute impressionné mon interlocutrice et réussi l'épreuve, car peu de temps après, une secrétaire me téléphonait pour m'inviter à rencontrer la responsable du département ressources humaines. Lundi, 10 heures. Je me trouve devant une femme de taille moyenne, très mince, cheveux légèrement grisonnants, un sourire quasi permanent. Difficile de lui donner un âge. Dans la cinquantaine, très élégante, tailleur Chanel, ongles impeccables, peu de bijoux, mais ce qu'elle porte doit valoir une petite fortune. Elle me félicite pour mon résultat au test d'orthographe. 197 bonnes réponses. Je suis la première à obtenir un tel résultat. Elle me décrit la situation. Le groupe qui, outre plusieurs magazines, publie chaque année une trentaine de romans, vient de lancer simultanément 4 nouvelles publications et pour l'ensemble de la production dispose de 2 correctrices dont une vient d'avoir un grave accident de voiture l'éloignant définitivement du travail. Du coup, je comprends pourquoi tout s'est subitement accéléré. Suivent quelques explications concernant le fonctionnement de la maison et mon travail. Je serai attachée à la rubrique roman et je travaillerai en binôme avec une certaine Maëva, dont je partagerai le bureau. C'est elle qui guidera mes premiers pas. Tout le monde se tutoie dans cette maison, à l'exception des administrateurs. Donc moi, ce sera Sonia. Oui, comme tu veux, Sonia. Je vais préparer ton contrat. Peux-tu commencer immédiatement ? Oui, pas de problème. Parfait. En sortant, demande à la secrétaire de te conduire près de Maëva. Bon travail et à bientôt, Corinne. Merci. Bonne journée, Sonia. Le bureau est au rez-de-chaussée. Spacieux et agrémenté de posters rappelant les publications du groupe, Maëva m'accueille avec le sourire. Bonjour. Corinne, je suppose. Sonia vient de me téléphoner à l'instant pour m'avertir de ton engagement. Je suis convaincue que nous allons bien nous entendre et former une bonne équipe. Sois la bienvenue. Merci, c'est gentil. Installe-toi, je vais t'expliquer notre façon de travailler. Aussitôt que le comité de lecture valide un manuscrit, il le transmet sur ton ordinateur au format PDF. Tu le parcours entièrement deux fois à la recherche de fautes éventuelles. Si nécessaire, tu corriges. Ensuite, tu transfères le PDF corrigé sur mon PC. Je relis et si tout est OK, je l'envoie au responsable des publications. Notre travail s'arrête là. Et s'il reste des fautes ? Fais-moi confiance, je travaille dans ce service depuis 7 ans et personne n'a jamais fait la moindre remarque. C'est rassurant, j'espère me montrer à la hauteur. Tu as réussi le test haut la main, alors ne te tracasse pas, ça ira. Quelques jours plus tard, visite surprise de Sonia dans notre bureau. Elle est toujours aussi distinguée. À peine est-elle entrée que son parfum flotte dans la pièce. Alors les filles, tout se passe bien ? Aucun problème, répond Maëva. Et toi, Corinne, pas trop difficile ? Maëva répond à ma place. Elle s'en sort à merveille, une vraie pro. Sonia se penche par-dessus mon épaule afin de voir où j'en suis dans le travail. Son visage frôle le mien, son chemisier légèrement ouvert laisse apparaître un soutien-gorge rouge. J'ose une remarque. Je trouve ton parfum très agréable. Ces poèmes de Lancôme, à toi aussi, il irait bien. Elle sort un vaporisateur de son sac, me met une giclée de parfum sur le poignet, puis s'éloigne. Sonia sortie, j'ai droit à une remarque de Maëva. Elle vient de marquer son territoire. Que veux-tu dire ? Sonia est homosexuelle et elle a une nette préférence pour les jeunes dames. Je dois te faire un dessin ? Que sous-entends-tu ? Patience, tu comprendras rapidement. Elle me prend pour qui, Maëva ? Bien sûr que j'ai parfaitement compris l'allusion qui, selon elle, fait de moi la prochaine proie de Sonia. Vendredi 17h, fin de la première semaine d'embauche. Je suis heureuse, j'ai un travail bien payé et qui me plaît. En rentrant, je me mets à fredonner. Le soir au lit, je me remémore les paroles de Maëva. Sonia est lesbienne et aime les femmes jeunes de préférence. Si un jour elle me fait des avances, quelle sera ma réaction ? La repousser ? Y répondre ? Mon imagination s'emballe, j'imagine le scénario. Sonia est là, debout devant moi, elle se dévêt lentement, se caressant les seins, qu'elle m'offre dans l'attente de baisers, me prenant la main pour la guider vers son intimité. Au fil des images, mon excitation grandit. Ma main voyage le long de mon corps, caresse les seins tendus à travers la nuisette, pince les mamelons pour qu'ils durcissent. Le fin tissu finit par atterrir sur le sol. La séance coquine peut commencer. Je n'éprouve ni gêne ni honte à me caresser seule. Au contraire, j'éprouve un réel plaisir. De plus, cela me déstresse, m'aide à mieux dormir. Fin mars. Sonia m'informe que je suis invitée à un séminaire rassemblant les nouvelles engagées des magazines francophones du groupe. Il se déroulera début avril dans un grand hôtel d'Ostende. Un mercredi matin, me voilà donc partie pour Ostende en covoiturage avec Sylvie, une recrue de la rubrique magazine. Elle m'a très gentiment proposé de l'accompagner. Le séminaire dure du mercredi 14h au vendredi 16h. À l'entrée de l'hôtel, un immense panneau signale que l'établissement est classé 4 étoiles. Les chambres sont superbes. Chaque participante y trouve une bouteille de champagne, une corbeille de fruits et une sacoche en cuir de Lancel. Pas à dire. Cela me changera des réunions imposées lors des recyclages organisés pour les enseignants où nous devons la plupart du temps apporter nos tartines. Pendant ces 2 jours, nous avons pour consigne de rechercher les moyens de favoriser l'esprit d'équipe afin de mettre les connaissances de chacune au service des autres. À 16h, cocktail de bienvenue, et accueil des participantes par l'administratrice déléguée. Ensuite, quartier libre. Sylvie et moi décidons de flâner dans les rues du centre et de faire un peu de shopping dans les belles boutiques avant de rentrer à l'hôtel et d'aller nous coucher. Jeudi matin, rendez-vous dès 7 heures sur la plage pour une demi-heure de jogging tout ensemble. Il ne fait pas très chaud. J'ai hâte de rentrer dans la chambre afin de prendre une bonne douche. Au resto, le buffet est dressé pour un petit déjeuner copieux que je partage en tête-à-tête avec Sylvie. 9 heures, direction la salle de séminaire. Soudain, qui vois-je arriver ? Sonia, avec un attaché caisse à la main. Elle me fait la bise devant tout le monde et ajoute en me désignant d'une voix claire et forte « Voilà celle qui vous corrigera toutes !» Silence dans la salle. Les regards sont braqués sur moi. Mes camarades sont partagés entre le sourire moqueur et l'interrogation. En effet, certaines n'ont qu'une vague idée de mon rôle dans la maison, tandis que d'autres le connaissent parce que nous travaillons dans le même bâtiment. L'intervention de Sonia est brillante. Toutes se sentent concernées par la stratégie du groupe, par les ouvertures de formation et de promotion. Je reste admirative devant sa capacité à capter l'auditoire. Du grand art. À la fin de la matinée, avant d'aller déjeuner, je décide de remonter dans la chambre afin de me refaire une beauté. La porte de l'ascenseur n'a pas le temps de se fermer, que Sonia s'engouffre dans la cabine, poussant une valise à roulettes. « Tu loges à l'hôtel? Je croyais que tu repartais directement. » « Non, je m'accorde une nuit supplémentaire. Je rentre samedi matin. J'ai eu un début de semaine éprouvant. Un petit tour au spa de l'hôtel me fera le plus grand bien. Et toi, tu as eu l'occasion d'en profiter hier ?»« J'avoue que non, j'étais tellement fatiguée que je suis allée me coucher. » Tout en parlant, nous nous dirigeons vers les chambres au bout du couloir. « De la fenêtre de ta chambre, tu as au moins profité de la vue sur la mer. » Je hausse un sourcil en acquiesçant. Sonia rit. Nous nous immobilisons. Elle me regarde droit dans les yeux et ajoute « C'est moi qui ai choisi ta chambre, côté mer. C'est mieux que le côté parking, non ? C'est une délicate attention, je te remercie. Si ça te dit, tu peux rentrer samedi avec moi. À toi de voir. » Je sais qu'elle possède la nouvelle Porsche Cayenne, une voiture de toute beauté bourrée de gadgets. Ne serait-ce que pour ça, je suis tentée de l'accompagner. Sonia poursuit « Ne te tracasse pas pour la chambre. C'est moi qui signe la note de frais du groupe. Si tu restes, je m'occupe de tout. Cela ne te coûtera pas un cent. » Je souris. Ma chef a parlé. Comme d'habitude, tout est parfaitement huilé. Je n'ai plus qu'à obéir. « Avec plaisir, Sonia. Je préviendrai Sylvie qu'elle ne m'attende pas pour le retour. » Après le déjeuner, vers 14h30, la secrétaire du groupe résume les suggestions des participantes avant que Sonia ne tire les conclusions du séminaire. Je me répète, elle est brillantissime. Un résumé lumineux, plein de sens, à tel point que bon nombre d'entre nous demeurent ébahis de découvrir qu'en un laps de temps aussi court, elles ont émis autant d'idées intéressantes. Comme il se doit, Sonia laisse le mot de la fin à l'administratrice déléguée. Elle n'a pas de chance, la pauvre. Tout ce qu'elle dit semble bien fade après Sonia. N'empêche, elle est poliment applaudie. Il est 15h30, notre groupe se disperse comme un tourbillon d'oiseaux. Toutes se précipitent à la réception afin de rendre leurs clés. Sonia m'a donné rendez-vous à 16h30 au bar, en peignoir de bain. Il est vrai que pendant 2 jours, nous n'avons pas arrêté de croiser des gens en peignoir blanc marqué du sigle de l'hôtel. De retour dans la chambre, je jette ma sacoche Lancel sur le lit. Je me déshabille et file sous la douche. J'ai bien besoin de souffler, de me relaxer 10 minutes. Ma toilette terminée, je passe rapidement un maillot de pièces noires. Sous un peignoir blanc, j'avoue que le contraste n'est guère élégant. Tout comme mes cheveux mouillés. Tant pis, je ne veux pas faire attendre celle à qui je dois ce séjour prolongé. Attention, je ne suis pas naïve. Je devine parfaitement de quelle manière je devrais plus tard me montrer reconnaissante. Peut-être même déjà cette nuit. Mais pour être tout à fait franche, cette perspective ne me déplaît pas. Attablée au comptoir, devant 2 cocktails, Sonia attend patiemment que je la rejoigne. À mon arrivée, elle lève son verre et ajoute d'une voix enjôleuse « Je propose de boire à notre rencontre, à nous. » Après quoi, elle repose son verre et m'embrasse sur la joue. Il est bon, ce mojito, très légèrement alcoolisé, un régal. Je me sens légèrement euphorique. Il est vrai qu'à 7 heures, je bois plutôt du thé. Un peu de changement me fera du bien. Nous papotons quelques instants sur le déroulement du séminaire. Fini le mojito, direction la piscine. Nous suspendons nos peignoirs aux porte-vêtements. Je m'efforce de cacher ma surprise en découvrant le corps de Sonia. Un physique bien proportionné, un ventre plat et musclé, une superbe poitrine, 90C très certainement, des jambes fines et un joli popotin rebondi. Elle marche 2 pas devant moi en direction de la douche, et je dois avouer que j'apprécie son petit déhanché. Un grand jet bien chaud et hop, dans la piscine. Il y a peu de monde. Les habitués du week-end ne vont débarquer qu'à partir de 17 heures, voire plus. Nous barbotons 20 minutes en nous faisant masser par les jets, puis asperger sous une sorte de gigantesque robinet à col de cygne pour terminer dans les gros bouillons du jacuzzi. On passe au sauna pour évacuer les toxines. Excellente idée. Nous nous dirigeons vers le sauna qui se trouve à 20 mètres de la piscine. Il est vide. Il fait très chaud, mais pas étouffant. En entrant, Sonia envoie une bonne louche d'eau sur les charbons, ce qui a pour effet instantané de noyer la pièce dans un brouillard de vapeur. Ensuite, elle retire tranquillement et naturellement son bikini et le pose sur le banc avant de s'asseoir sur la serviette à côté de moi. « Autant que le corps en profite au maximum, dit-elle. » « Certainement. » À mon tour, je me retrouve nue et pose la serviette sur les lattes de pain. Je me sens un peu complexée. Mes nénés ressemblent à 2 œufs sur le plat. Elle a une poitrine magnifique et ferme. Ses seins bougent à peine quand elle remue. Elle fixe ma poitrine sans rien dire avec un petit sourire. « Je sais, dis-je, ils ne font pas le poids. Bonéa, c'est presque trop grand pour moi. » « Et alors ? Moi, je les trouve mignons et très excitants. » Joignant le geste à la parole, l'index de sa main droite s'approche d'un de mes mamelons et les fleurs. La réaction est immédiate. Le volume de mon téton double instantanément. J'éprouve l'envie de faire de même avec les siens, mais je me retiens. 10 minutes de sauna, c'est une bonne durée. Le brouhaha de l'extérieur indique que la piscine est en train de se remplir et que nous ne tarderons pas à avoir de la compagnie. Sonia se lève et tente de remettre son haut. J'ai les doigts qui glissent, tu veux bien m'aider à le raccrocher? Je ne comprends pas pourquoi ses doigts glissent, mais je lui raccroche son soutien-gorge bien volontiers. Fugitivement, je sens la peau douce d'une femme qui fréquente régulièrement un institut de beauté. Nous remettons les peignoirs restés à l'extérieur de la cabine et nous revenons dans la partie hôtel afin de reprendre l'ascenseur pour rejoindre notre étage. La cabine est vide. J'appuie sur le bouton. Sonia me regarde en souriant. « Je suis ravie de passer quelques heures avec toi en dehors du travail. » En disant cela, sa main caresse doucement ma joue. Tout me dit qu'il faut y voir un geste intentionnel, un rien provocateur. Cette caresse en annonce certainement d'autres, plus osées, plus voluptueuses. Je lui fais à mon tour un grand sourire. « Moi aussi, je suis contente de passer quelques moments avec toi. » « Vraiment. » Nous nous retirons chacune dans notre chambre après avoir convenu de nous retrouver à 19 heures pour une balade et un repas en ville. En sortant de l'hôtel, nous marchons vers le centre-ville. Arrêt devant quelques magasins, bijoux, chaussures, vêtements, lingerie, bref, tout ce qui peut attirer une femme. Sonia a déniché un petit restaurant familial face à la mer. Le dîner est simple mais excellent. Le personnel avenant et agréable. Sonia me parle de la rupture avec son ex-mari, un agent d'assurance rarement à la maison. À l'époque, leur fils avait 15 ans, maintenant 29. Elle me voit tenter un rapide calcul mental et me dit « Eh oui, j'ai 52 ans, je pourrais être ta mère. » Sans vouloir te flatter, tu ne les fais vraiment pas. Me prenant la main tout en la caressant, elle ajoute « C'est gentil, tu es un véritable amour. » L'addition réglée, nous décidons de prendre l'air avant de rejoindre l'hôtel et flânons sur la digue presque déserte à 7 heures. Nous avançons lentement en nous donnant le bras. Une moitié de lune nous éclaire faiblement. Seul le bruit régulier des vagues troue le silence de la nuit. Je m'arrête, le dos appuyé à la balustrade. Sonia me fait face. Elle me regarde avec un petit sourire. Son visage s'approche du mien. J'ai une folle envie de t'embrasser, murmure-t-elle. Maintenant, tout de suite. M'embrasser? Oui, n'aie pas peur, je ne mords pas. Les fines lèvres de Sonia se posent sur les miennes et s'entr'ouvrent. Je me raidis un peu, je ne sais ni que dire ni que faire. Puis je sens un baiser plus appuyé, des lèvres qui s'ouvrent et une langue qui force l'ouverture de ma bouche. Je me laisse emporter par cette douce et sensuelle sensation. Sonia prend ma tête entre ses mains, elle aspire ma langue, l'étreint entre ses lèvres, explore ma bouche avidement. Je sens la langue de Sonia pénétrer profondément dans ma bouche. Je n'ai pas le souvenir d'avoir reçu ou donné un pareil baiser. En vérité, c'est très agréable. Sonia recule, un grand sourire l'illumine. Avec ses talons et moi mes chaussures plates, nous sommes pour ainsi dire à la même hauteur. Dis-moi, c'est la première fois que tu embrasses une femme ? Non, pas vraiment. Quand j'étais plus jeune, quelquefois au lycée. Tu aimes ? Oui, mais pour moi, ce n'est pas facile d'embrasser une femme. Comment ça, pas facile ? Le principal, c'est d'en avoir envie. Le reste suit naturellement. La question n'est pas d'avoir envie ou pas. Avec une femme, je trouve que c'est différent. Tu veux que nous recommencions ? Peut-être plus tard, pas maintenant. Je ne suis pas prête. Mon geste t'a choqué. À vrai dire, je ne sais pas trop. Alors je n'insiste pas. Je sens que Sonia glisse quelque chose dans la poche de mon jean. Je regarde. Il s'agit d'un rectangle de plastique. Chambre 205, dit-elle d'une voix neutre. C'est le double de mon passe. La mienne porte le numéro 203. Je remets la carte en poche. Je ne vais quand même pas la lui rendre. J'ai conscience de m'être montrée maladroite en refusant un autre baiser. En 3 minutes de marche silencieuse, chacune dans nos pensées, nous sommes à l'hôtel. Dans le couloir menant aux chambres, Sonia me dit, sur un ton que je trouve un peu sec, « Demain, je prendrai mon petit déjeuner dans la chambre. Pour le retour, retrouvons-nous à la réception à 11 heures précises. Passe une bonne nuit. » « Bonne nuit, Sonia. » Clac, clac, les deux portes se referment presque en même temps. J'ai le crâne en feu. Tout se bouscule dans ma tête. Je suis furieuse contre moi. Je n'ai rien vu venir. Il faut vraiment que je sois stupide. D'un autre côté, comment a-t-elle pu croire que j'allais lui tomber dans les bras d'un simple claquement de doigts? Ce qui compte pour l'instant, c'est dormir. Je me déshabille rapidement. Je rangerai tout demain matin. Je me glisse dans le lit et j'éteins la lumière. Une demi-heure plus tard, j'ai toujours les yeux grands ouverts. Je me retourne sans arrêt. Le radio-réveil indique 21h40. Pas étonnant que je ne puisse pas m'endormir. Je ne vais jamais au lit avant 11h du soir. J'allume la lampe de chevet et prends le roman que j'ai emmené avec moi. Je cale 2 oreillers derrière mon dos. Où en étais-je ? Je lis sans rien voir, sans rien comprendre, rien retenir. Que fallait-il faire ? Lui sauter au cou ? Dire oui immédiatement ? Une douche, une bonne douche. Ça remettra les idées en place. Si seulement je pouvais arrêter de penser. L'eau chaude me détend petit à petit, mais ça tourne toujours en boucle dans ma tête. Je m'appuie contre le mur, les cascades d'eau brûlante tombent sur mes omoplates, mon dos, mes fesses, mes jambes. Je prends le gant de toilette et le gel douche. J'arrose copieusement le gant et commence à frotter mes seins, mon ventre, mon pubis ainsi que l'entrejambe. Avant de rincer, je diminue la chaleur du jet pour ne pas me brûler, et j'appuie sur la pointe du pied gauche en écartant bien les jambes. Je sens le picotement du jet sur mes chairs. J'y prends un certain plaisir. Oui, encore un peu. Stop, ma fille. Une séance coquine en solo, c'est peut-être bon, mais en duo, c'est mieux. Qu'attends-tu pour la rejoindre ? Je sors de la douche et me sèche. Vite, mes cheveux. Voilà que je suis presque prête. J'enfile une petite culotte et le peignoir de l'hôtel. Je suis certaine que Sonia m'attend. Le passe, c'est une invitation déguisée. 5 ou 6 mètres de couloir séparent nos chambres. Je dois m'y reprendre à 2 fois pour entrer le passe dans la fente de la serrure. J'ouvre doucement et pénètre dans le couloir. Une lampe s'allume. J'ai dû faire involontairement pas mal de bruit, car Sonia m'a entendu et vient à ma rencontre. Elle porte un haut de pyjama en soie bleue, qui lui cache à peine le haut des cuisses et laisse deviner la forme des seins. « Entre, Corinne, je t'attendais. » Tu étais donc certaine que je viendrais ? Disons que j'ai pensé que c'était fort probable. Sonia me fait visiter la suite qu'elle occupe. L'intérieur moderne et douillet comprend un coin salon avec mini-bar, télévision, bureau, table et fauteuil. Une salle d'eau avec douche et baignoire, une chambre spacieuse et un grand lit. Une petite terrasse avec vue sur la mer. Vraiment, le top du chic et du confort. Après cette courte visite, Sonia m'entraîne au salon. Une petite coupe ? Du champagne à 7 heures ? Oui, nous allons fêter cette rencontre. Sonia ouvre le mini-bar du salon, en sort une bouteille de champagne et 2 coupes qu'elle remplit. À nous deux, à notre avenir. Comme tu dis, à notre avenir. Tu sais, Sonia, je suis très contente d'être ici, mais je crains de ne pas être à la hauteur de ton attente. Pourquoi ? Comme ça. D'ailleurs, je boirais bien une autre coupe, histoire d'évacuer un peu mon stress. Tout en remplissant les 2 coupes, Sonia se penche de manière à mettre ses seins bien en évidence. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils sortent du débardeur. J'ai pu le constater au sauna. Ils sont bien fermes et, cela ne fait aucun doute, délicieusement doux. Sonia a remarqué mon regard fixé sur sa poitrine. « Tu veux les toucher ?» Joignant le geste à la parole, en se déhanchant, elle fait glisser le débardeur sur le sol, laissant apparaître pour la 2e fois un corps nu et bronzé. Comment résister à la tentation, à une telle invitation? J'avance la main vers son sein droit, caresse l'aréole, puis m'attarde sur le mamelon que j'excite avec mon index d'un mouvement lent et circulaire. Il grossit presque instantanément. J'approche mes lèvres. Ma langue tourne autour du téton que je suce et étire. J'ai l'impression d'avoir entre les lèvres une tétine de bébé, souple et élastique. Sonia n'est pas en reste. Elle dénoue la ceinture de mon peignoir, qu'elle fait glisser sur le sol et se place dans mon dos. Ses mains caressent ma poitrine, descendent sur mes hanches, effleurent le tissu de ma culotte et finissent par la faire descendre le long de mes cuisses et de mes jambes. Ma peau blanche contraste avec la peau bronzée de Sonia. Submergée par un mélange de plaisir et de stress, une bouffée de chaleur m'envahit. « Une autre coupe, chérie ?»« Avec plaisir. Installe-toi dans un fauteuil. » Assise, je ne sais comment mettre mes jambes. Je les serre l'une contre l'autre. Sonia le remarque et me passe la main dans les cheveux. « Voyons, détends-toi, ma puce. On croirait voir une petite fille qui s'apprête à prendre une fessée. » J'esquisse un léger sourire. « Je préfère de loin les câlins. » « Alors achève ta coupe et suis-moi dans la chambre. » Au-dessus du grand lit, 2 appliques murales lumineuses diffusent une lumière vert pâle. La chambre baigne dans une atmosphère reposante et feutrée. Assises toutes les 2 au bord du lit, nous échangeons un regard complice. Sonia caresse ma joue et me dit, d'une voix empreinte d'une grande douceur, « Corinne, ma chérie, es-tu certaine de vouloir continuer ce petit jeu de séduction ? Je veux me montrer sincère avec toi. Lors de notre première rencontre, j'ai eu comme un flash. » À vrai dire, tu me plaisais. Au fil du temps, cette attirance physique s'est transformée en un sentiment amoureux. Je sais, notre différence d'âge et mes fréquentations passées ne plaident pas en ma faveur. Mais crois-moi, je t'aime comme je n'ai jamais aimé auparavant. Accepterais-tu de vivre avec moi, de tout partager, les bons comme les mauvais moments ? Je ne te force pas, bien au contraire, je vais te mettre à l'aise. Ta décision n'aura strictement aucune influence sur ton contrat de travail ni sur nos relations futures. En réponse, je pose mon index sur les lèvres de Sonia en disant « Chut, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Je t'adore. » La nuit sera longue et passionnée, mais ça, c'est une autre histoire. Après avoir vécu quelque temps avec Sonia, je vous la raconterai, peut-être un jour.